Si fait, si fait. Venons-en au sujet qui m'amène. Mon oncle m'a confié une tâche et je compte bien la mener avec succès. Si fait, si fait. Venons-en au sujet qui m'amène. Mon oncle m'a confié une tâche et je compte bien la mener avec succès. Mon oncle a-t-il bien précisé dans sa lettre que mes décisions seraient les siennes ? Mon oncle a-t-il bien précisé dans sa lettre que ses dé... Mon oncle a-t-il bien précisé... Bah ! Pardon. Mon oncle a-t-il bien précisé dans sa lettre que... Ça, je vais y arriver. Mon oncle a-t-il bien précisé dans sa lettre que ses décisions sur les miennes... Non, c'est l'inverse. Mon oncle... Mon oncle. Mon oncle, il a perdu du sang. Hein. Mon oncle a-t-il bien précisé dans sa lettre que mes décisions seraient les siennes ? Mon oncle a-t-il bien précisé dans sa lettre que mes décisions seraient les siennes ? Dans ce cas, Tamka, ce sera Seigneur Raphaël. Dans ce cas, Tamka, ce sera Seigneur Raphaël. Dans ce cas, Tamka, ce sera Seigneur Raphaël. Avez-vous bien réceptionné les dernières... Non, si, c'était ça. Avez-vous bien réceptionné les dernières arrivées de marchandises que la maison Wishcraft avait commandées ? Vous avez commandé. Avez-vous bien réceptionné les dernières arrivées de marchandises que la maison Wishcraft... Wishcraft. Avez-vous bien réceptionné les dernières arrivées de marchandises que la maison Wishcraft vous avait commandées ? Avez-vous bien réceptionné les dernières arrivées de marchandises... Arrête, je ne vais pas croire à toi. Avez-vous bien réceptionné les dernières arrivées de marchandises que la maison... Le chat qui trempe sur moi. Avez-vous bien réceptionné les dernières arrivées de marchandises que la maison Wishcraft vous a... Wishcraft ? Comme ça que je parle à ma famille. Avez-vous bien réceptionné les dernières... Avez-vous bien Avez-vous bien réceptionné les dernières arrivées de marchandises que la maison Wishcraft vous avait commandées ? Avez-vous bien réceptionné les dernières... Avez-vous bien réceptionné les dernières arrivées de marchandises que la maison Wishcraft vous avait commandées ? Avez-vous bien réceptionné les... Avez-vous bien réceptionné les dernières arrivées de marchandises que la maison Wishcraft vous avait commandées ? Et voilà...